Ce que l'on peut dire, mes parents ont choisi mon prénom il y a longtemps. Et le G, j'ai choisi en honneur aux gagnants. Parfois en fin de journée, je pense à l'avenir. Est-ce que vous comprenez tout ce que je veux dire? Voyez mes initiales, écoutez mon avis. Elles sont un peu spéciales car grâce à elles, je suis âgé sans l'être, ne l'être que par les lettres. Âgé, je suis jusqu'à la fin de ma vie. Si on veut me changer, il n'en est pas question. Je suis prêt à me battre, mais ça, oui, vous le savez. Ne me soupçonnez pas, je pourrais m'énerver. Souvent quand je suis seul, je songe à mon futur. Je ne sais pas pourquoi la vie n'est pas si dure. J'ai vu mes initiales et de suite, j'ai saisi. Elles sont un peu spéciales car grâce à elles, je suis...